TJ. Robert et Clairette baladent. Un vent frais parcourait la plaine, mais il faisait lourd sous le feuillage. Les rayons du soleil couchant éclataient rouges parmi les rameaux, et le chant du grillon interrompait seul le religieux silence du soir. La nature s'endormait ainsi dans son repos quand Robert et Clairette dirigèrent leur promenade vers la source de la forêt où ils avaient naguère échangé de tendres serments. C'était pour eux un lieu sacré. Combien ils s'étaient embellis depuis le jour de leur union. 1000 plantes y avaient fleuri et la source s'en éloignait à regret, toute couverte de feuilles odorantes, douce retraite pour le voyageur qui venait parfois s'y reposer avec délices. Et le rossignol chanta, et l'écho après lui, quand les époux entrèrent dans le bocage. La pleine lune leur sourit à travers les branches des ormeaux, et la source les salua d'un murmure joyeux. Clairette cueillit deux fleurs pareilles, puis, les livrant au cours de l'onde, les suivit des yeux, avec crainte, mais bientôt l'une se sépara de l'autre, et elles ne se rejoignirent plus. « Oh ! Soupira Clairette tremblante. « Vois-tu, mon bien-aimé, les deux fleurs qui cessent de nager ensemble, et puis l'une qui disparaît ?»« Là-bas, dit Robert, elles vont se réunir, sans doute. » La jeune fille cacha de ses mains son beau visage, et la lune sembla la regarder tristement, et le grillon chanta comme s'il gémissait. « Ma Clairette, dit Robert, oh, ne pleure donc pas, le voile de l'avenir est impénétrable. » 6 mois s'étaient écoulés, lorsque la guerre éclata et appela aux armes le jeune époux. « Ma bien-aimée, s'écria-t-il, je te serai toujours fidèle. » Et il se prépara au départ. Mais elle versait des torrents de larmes. « Bon soldat, s'écriait-elle, mon Robert s'est aimé et ne s'est pas tué. Ayez pitié de lui et de moi. » Vaine prière. Le devoir est de faire pour ces hommes. Ils ont brusquement séparé les deux époux. La jeune fille abandonnée gémit bien douloureusement. Elle suivit des yeux son ami qui, près de disparaître, agitait un mouchoir blanc, l'appelant encore d'une voix pleurante, et elle ne le vit plus. Tous les soirs, elle quitte la maison de sa mère, et traversant les ombres de la nuit, elle va s'asseoir sur la montagne. Là, sans cesse, elle étend les bras vers le chemin qui l'a suivi, mais ne le voit point revenir. La source du bocage coule et coule toujours, l'été n'est plus, l'automne commence, le soleil se lève, se couche, les nuages et les vents passent sur la montagne, le bien-aimé ne revient pas. La pauvre fille se fanait comme une rose, elle retourna un jour à la source de la forêt. « C'est ici, dit-elle, ici que j'ai vu la fleur disparaître. Où donc est l'autre maintenant ? En quel lieu Robert et Clairette se réuniront-ils ? » Et, succombant au chagrin de son cœur, elle tomba mourante sur la rive, mais des images célestes l'environnèrent à son dernier moment. Le baiser d'un ange lui ravit son âme et la purifia des peines de ce monde. Un vent léger murmure seul autour de son tombeau où deux tilleuls jettent leur ombre. C'est là qu'elle dort saintement, sous un tapis de violette. Un an écoulé, Robert revint avec des yeux où la vie s'éteignait et des blessures, fruits d'une guerre sanglante. Sa bien-aimée n'est plus, il la prend et s'en va reposer auprès d'elle. Tous les soirs, une blanche vapeur s'élève de leur tombe. Une jeune bergère la vit, une fois, lentement, s'entr'ouvrir, et crut y distinguer deux ombres dont la vue ne l'effraya pas.